Tu rentres, toi? Dès les réveils, je repense aux galères qui m'ont toutes saoulé. La veille, l'alcool nous aura tous cloués. Les yeux floutés dans mon jogging troué. Et je m'en remets à Dieu quand je vois des proches couler. Faut que la roue tourne, car y'a pas de roue de secours. Ça sent la routine, dans ma tête des genoux ne séjournent. Je comprends plus rien, comme si tu me parles en morse. Et mine s'accentue comme ceux qui partent en Corse. Sensibles sont mes propos quand des fois je parle à ceux qui m'ont quitté trop tôt, j'ai le cœur cadenassé. Moi j'écris pas pour faire des farandoles. Et heureusement qu'en tôle j'ai eu des parents forts. Je viens poser sur l'instru, ça devient un récital. Je t'emmènerai en balade dans mon champ lexical. Surveille ton dos, dehors y'a trop de couffards. Et tu gagneras que dalle en étant bon coupable. Mettre les miens à l'abri, c'est à ma portée. Tu sais que tous ceux qui m'ont trahi sont rien d'important. Protège-toi car les coups bas sont inconfortables. Une poucave est bien plus dangereuse qu'un port d'armes. Méfie-toi quand vient la nuit, je suis insortable. Tellement pété que mes souvenirs sont dans un portable. Trop d'amertume s'assit sur le visage. À chaque permis perdu, je prends des faux virages. J'ai pas la prétention de faire de l'audimat. Tu voulais du vrai rap, viens choquer l'auditoire. Sur mes 10 doigts, je compte plus les jours tranquilles. Je crois plus à vos histoires de faire ces poux tranquilles. Trop loin d'être riche pour avoir des goûts de luxe. Mais pas de futur, c'est pas de la haute couture. Et vos conseils, perso, je les écoute plus. Crois-moi, y'a pas qu'une femme qui peut te faire des coups de pute. Né pour souffrir et ça sera pas une série de tractions. Qui va t'endurcir que le c'est pas une attraction. Au bord du précipice, trop proche du vice. Je reste opportuniste car j'ai jamais eu peur du risque. Le temps passe vite, je suis concentré à faire des ronds. Y'a de l'eau dans le gaz quand la PJ vient faire des rondes. 2023, certains de mes potes ont fini par lâcher. Et 2-3 putes m'ont donné par lâcher. J'espère que la femme y sera fière de moi. Crois-moi, pour qu'on m'enferme, faut qu'on m'enterre deux fois. Ils prolifèrent, mais on a peur de quoi? Chez nous, une langue de bois, ça peut pas faire de voix. Je connais l'endettement, la crise, faut pas se leurrer. Je prends des congés pour des enterrements. La nuit, j'ai pas sommeil. Et on constate qu'on n'est pas tous nés sous la même étoile. Y'a ceux qui naissent blindés, y'a ceux qui meurent d'espoir. La fin du monde, on en voit vite les signes. Pour laver mes péchés, faudrait une pluie de lessive. Je vis au présent, loin du passé. Les vrais savent qui je représente, j'ai pas besoin de dédicacer. La fin du monde, on en voit vite les signes. Pour laver mes péchés, faudrait une pluie de lessive. Je vis au présent, loin du passé. Les vrais savent qui je représente, j'ai pas besoin de dédicacer.